docteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier. Je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue, truc de malade, psychopathe, truc de fée, truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur. Voilà. Hey. Non pas Saran. Plein général. Mais rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminé dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Hey yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings? Au fond près du radiateur, bonsoir à tous. Vous êtes sur 106.3 FM, fréquence Paris pluriel. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Pour certains d'entre nous, en fait, moi-même y compris. On a le plaisir de vous retrouver ce soir en compagnie de Raphaël, Robinson, Mouloud. Et salut Mustapha. Bonsoir tout le monde. Et on va faire... Bon voilà, déjà pour dire, on est content, comme le disait Mustapha, on est content de reprendre l'émission après un petit temps d'absence. Pour dire un peu au fond près du radiateur, qu'est-ce que c'est comme émission. Donc c'est une émission qui parle un peu... des luttes sociales, de l'actualité sociale. On passe aussi un peu de musique. Et le principe, c'est de donner la parole directement à ceux qu'on ne va pas entendre ailleurs. Et donc voilà, par exemple, la parole des experts ou de gens autoproclamés experts d'un sujet, ça ne nous intéresse pas trop. Nous, on préfère donner la parole directement à ceux qui vivent les choses, donc à tout à chacun, quoi. Et donc voilà, donc vous êtes les bienvenus si vous voulez nous envoyer des informations ou venir en direct sur le plateau à FPP 106.3 FM. Ça sera avec plaisir. Donc vous pouvez nous contacter notamment par notre page Facebook au fond près du radiateur, ou alors on a aussi une adresse mail, on peut vous la donner même. C'est au fond près du radiateur, donc c'est un peu long, tout attaché, au fond près du radiateur, @no-log.org. Donc voilà, franchement, contactez-nous, on se fera un plaisir de vous inviter sur le plateau cette année. On va faire un petit sommaire même de quoi on va parler ce soir. Donc vous avez peut-être entendu parler de ce qui se passe en Catalogne en ce moment. Ouais. Donc la région est sur le point d'accéder à l'indépendance. En ce moment même. En ce moment même, ça se décide. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, on a interviewé un ami à nous qui s'appelle Ivan, donc qui est catalan et qui revient d'ailleurs de 3 semaines là-bas, donc qui a vécu ces manifestations, qui a vécu les grèves, le référendum et tout ça pour ou contre l'indépendance, et qui va, on va passer une grande partie de cette émission. On est ensemble jusqu'à 20h30 et cette interview fera une quarantaine de minutes avec de la musique. Ça sera donc la plus grande partie de cette émission. Puis ensuite, on va parler de divers sujets, notamment les manifestations qu'il y a pu y avoir aujourd'hui, le fait que FPP est menacé aussi par les suppressions de contrats aidés qui touchent le secteur associatif. Donc FPP, Fréquence Paris Pluriel, la radio que vous écoutez en ce moment sur le 106.3 FM, c'est une radio associative. Nous, on est tous bénévoles, mais il y a aussi quatre contrats aidés pour la tourner, technique, ouais, pour faire tourner la radio au quotidien, tout ça. Et donc ces postes sont menacés, comme et ce qui remet en question la survie de nombreuses associations en France. Et puis au-delà de ça, c'est des individus qui perdent leur travail. Donc c'est 100 000 personnes qui sont concernées en France, quoi. Donc on reviendra là-dessus, mais tout de suite on va peut-être écouter un peu de musique. Et Robinson nous a préparé 2-3 morceaux, donc on va commencer avec le premier. Ça va être quoi, Robinson, ce que tu nous proposes là? On va commencer tout en douceur avec Brentford All Stars, un peu de reggae tout doucement, d'accord, Raphaël? Ok. Vous êtes dans Au fond près du radiateur 106.3 FM de 20h à 20h30. L'émission commence et Raphaël va vous présenter ce reportage tout de suite. Donc voilà, bah, comme on vous le disait en introduction, ça va être un entretien avec Ivan, donc un camarade catalan qui a été en Catalogne il y a quelques jours et donc qui a vécu tout ce qui se passe là-bas. Et bah, il en connaît plus que nous, donc on voulait lui donner la parole directement. On vous laisse tout de suite avec cette interview. Mustapha, tu voulais dire juste un truc pour contextualiser, quoi. C'est la deuxième fois que la Catalogne risque de déclarer son indépendance. Que les partis au pouvoir, en fait, c'est une coalition assez hétéroclite de partis qui partent du, on va dire, du centre-droit, droite, légèrement jusqu'à l'extrême-gauche, et qui portent cette indépendance. Que ça crée un cataclysme et un séisme intense en Espagne, en fait. Que ce soit le roi ou le gouvernement national ou des quotidiens nationaux comme El País ou quoi, qui sont en panique de ce qui se passe, en fait. C'est un précédent qu'on n'a jamais connu, sauf sous Franco. Et du coup, là, ça peut être intéressant. Et donc, voilà aussi, c'est un peu l'aboutissement de toute cette période qui a pu avoir avec la fin de la dictature en 77-78 avec la mort de Franco. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait un régime qui était très centralisé au niveau de Madrid ou quoi, avec des autonomies de région. Voilà, et, pas ouais. Très centralisé, justement. Je te vois, tu fais des signes. Quand oui, parce que c'était pas vraiment, pas tout à fait d'accord. C'était pas un gouvernement central. Bien sûr, le gouvernement, sa capitale, c'est Madrid, tout ce qu'on veut. Mais c'est un pouvoir beaucoup moins central que, par exemple, Paris ou la France. Oui, voilà. Ou okay. D'autres, avec une relative autonomie dans certaines régions et autres. Mais par contre, en fait, il y avait une espèce de consensus qui était atteint dans les années 70, après la période Franco, donc à sa mort, qui faisait que les gens n'avaient pas envie de se relancer dans des guerres, en fait, alors qu'ils venaient de sortir d'une période sombre. Mais du coup, tout ce consensus, il est remis en question une trentaine d'années plus tard, on va dire, quasiment 40 ans plus tard, au profit d'indépendantistes. Et le visage de l'indépendance, des indépendantistes actuels, il est assez intéressant, parce qu'il y a beaucoup on a les indépendantistes traditionnels, en fait, qu'on connaissait habituellement, plus certains partis politiques catalans, comme Parti Socialiste ou des partis conservateurs ou autres, qui portaient une espèce de d'indépendantisme catalan en eux. Mais là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que depuis 2009, en fait, depuis la chute de Lehman Brothers, pas mal de mouvements qui ont été créés. Et la crise économique, tout ça. La crise économique, mais pas mal de mouvements, en fait, qu'a connu l'Espagne notamment, mais aussi en France, avec les indignés ou d'autres, en fait. Du coup, ça, c'est plus un mouvement qui vient de la société civile, quelle que soit l'opinion politique ou la couleur, avec une désillusion sur les banques et tout ça, qui a porté, en fait, ce mouvement indépendantiste, qui n'est pas un mouvement homogène, issu d'un seul parti, avec une doctrine ou quoi, mais qui est vraiment qui regroupe plusieurs formations politiques hétérogènes, et ça part de l'extrême gauche à la droite, droite, centre-droit, on va dire, et caricature aussi certains anarcho-libertaires ou d'autres gens. Et c'est ainsi sans précédent, tu as des banques qui essaient de se désengager parce qu'elles ont peur, en fait, de ce qui risque de se passer ou pas, on ne sait pas pourquoi. Et des sociétés, c'est quand même la Catalogne. La Catalogne, c'est quand même la région autonome la plus riche d'Espagne, en fait. Et c'est aussi la population, une partie de la population la plus élevée. Donc l'Espagne amputée de la Catalogne, donc c'est plus l'Espagne qu'on a l'habitude de voir. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Eh ben, on lance le reportage tout de suite et on vous souhaite une bonne écoute. C'est au fond près du radiateur. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Alors ce soir, on est avec Ivan, qui va nous parler de la situation en Catalogne. Donc vous en avez sûrement entendu parler à la télévision ou quoi. Il y a eu un référendum qui a été organisé pour ou contre l'indépendance de la région. Et donc si toi tu étais très au courant de la chose, tu es d'origine à moitié catalane, on va dire, tu as habité là-bas très longtemps, et du coup ça nous intéressait d'en parler avec toi. D'ailleurs, tu reviens de 3 semaines là-bas, donc tu as vécu le mouvement, le référendum, tu as voté pour l'indépendance et tout, et donc voilà pourquoi ça nous paraissait intéressant de parler de tout ça avec toi. Donc bah, pour commencer, si tu peux te présenter un peu. Je m'appelle Ivan, je suis catalan, je viens de la Catalogne. Ça fait 7 ans que j'habite à Saint-Denis, que je milite à Saint-Denis aussi. Et par rapport à la question catalane, je suis sympathisant de la candidature d'Unité Populaire, qui est un parti de la gauche indépendantiste, qui aujourd'hui se définit indépendantiste et anticapitaliste aussi. Donc voilà, je vous parle de cette position-là. Par rapport au référendum du 1er octobre, donc, bon, comme vous savez, c'est un référendum organisé contre la loi espagnole, parce que c'est un référendum qui a été déclaré illégal, parce que dans la Constitution espagnole, ça n'existe pas, le droit à l'autodétermination. Mais le référendum, c'était, si vous voulez, l'aboutissement d'un mouvement depuis 5-6 ans, qui justement demandait le pouvoir faire un référendum pour éclaircir un peu le rapport entre la Catalogne et l'Espagne, et si la Catalogne pouvait devenir un État indépendant ou c'était quoi un peu le rapport avec l'Espagne. Pour comprendre ce qui s'est passé le 1er octobre, il faut d'abord voir que bon, c'est compliqué de pouvoir expliquer toutes les raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a un mouvement indépendantiste très large en Catalogne. Il faudrait analyser des raisons historiques, culturelles, politiques, économiques, et ça nous prendrait beaucoup de temps, et peut-être que ce n'est pas le plus intéressant. Mais en tout cas, la question catalane aujourd'hui montre un peu la crise du régime ressorti de la dictature de Franco en 1978. D'un côté, on peut parler que depuis 2008-2009, avec la crise économique, il y a eu un échec total de l'économie espagnole, avec des montées de l'inégalité, le chômage, la précarité dans le monde du travail. Très dur. Aujourd'hui, même s'ils ont réussi à réduire un peu le chômage, plutôt avec des changements de donner plus qu'en créant de l'emploi, ça reste quand même très, très large, proche aux 20% de chômage. Dans une économie de l'Union européenne, c'est quand même assez grave socialement. Et de l'autre côté, il y a la question territoriale qui a été une des questions très importantes après la dictature. Un des axes sur lesquels les pouvoirs sortants de la dictature ne voulaient pas bouger au moment d'écrire la constitution espagnole. Donc voilà, cette constitution espagnole de 78 a permis la construction d'un consensus politique et social qui a duré jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à là, jusqu'à la crise de 2008-2009, mais qu'aujourd'hui on voit comment, à part de la question sociale, éclate aussi par rapport à la question nationale. Donc, on peut dire qu'en Catalogne, en 2000, il y avait déjà, pendant les années 2000, des négociations entre les gouvernements catalans, les gouvernements espagnols, pour trouver un nouveau status, un nouveau rapport entre la Catalogne et l'Espagne, notamment au niveau fiscal, des compétences politiques, etc., qui, avec le gouvernement Zapatero, a vu les jours cette loi-là, qui s'appelait l'Estatut, mais qu'une fois les partis populaires, donc la droite espagnole, qu'il faut se rappeler, un parti de droite qui est directement héritier de la dictature, c'est un parti qui a été créé par des ministres qui étaient ministres pendant la dictature. Donc c'est eux qui sont au pouvoir actuellement avec Rajoy. Rajoy, exactement. Donc ils ont fait tomber ces lois-là, qui, d'une certaine façon, essayaient de trouver ce nouveau rapport entre la Catalogne et l'Espagne en 2005-2006. Ils ont arrivé au pouvoir en 2010, si je ne me trompe pas, ils ont fait tomber ces lois avec l'aide du tribunal constitutionnel qui a déclaré certains articles de cette loi inconstitutionnels. Et à partir de là, aussi avec les conditions de précarité que la crise économique a provoquées, on a vu apparaître un mouvement de plus en plus large qui demandait l'indépendance. Donc un peu au début de ce mouvement-là, on peut voir qu'il y avait quand même une réindication pour avoir plus de pouvoir par rapport aux ressources économiques, plus de gestion des impôts et tout ça, donc, où les raisons économiques étaient très importantes. Mais avec la répression, et notamment avec la répression qu'on a vu les derniers jours, c'est un mouvement qui s'est élargi énormément depuis 4 ou 5 ans. Est-ce que tu peux rappeler un peu ce qui s'est passé justement les derniers jours? Parce que c'est un peu pour ça qu'on avait envie de parler avec toi. Il y avait énormément de monde dans les rues, il y a eu ce référendum. Donc voilà, le gouvernement catalan, avant l'été, a déclaré la date du référendum, le 1er octobre. Le gouvernement catalan, avec le soutien de la candidature d'Unité Populaire, dont les anticapitalistes dont je vous parlais tout à l'heure, ont accordé cette date. Ça a été un référendum que l'État espagnol n'a jamais reconnu parce que voilà, il disait que c'était un référendum illégal. Mais comme il y a eu cette revendication depuis des années en Catalogne, le gouvernement, avec des institutions qui ont vachement grandi depuis les dernières 5-6 ans, qui ont organisé notamment les mobilisations de l'11 septembre, que c'est comme le 14 juillet ici. Dans l'11 septembre, c'est le jour national catalan, donc il y a des grosses mobilisations. Donc ils ont, depuis 5 ans, demandé avoir ce référendum-là. Après l'été, le gouvernement espagnol n'a pas bougé du tout de leur position. C'était toujours de déclarer ce référendum illégal et de menacer avec les juges, avec la loi, qu'ils allaient prosécuter les responsables du référendum. Et voilà, le référendum allait avoir lieu, et donc tout était mis en place. Il y avait une syndicature électorale, donc comme une commission électorale qui allait veiller pour la transparence du référendum. Il y avait des partis budgétaires destinés à la célébration du référendum. Il y avait plus de 400 000 bénévoles par an. 40 000 bénévoles qui allaient s'occuper de l'organisation du référendum. Et l'État espagnol a envoyé toute la machine répressive Ah, donc voilà, arrêter des personnes responsables de référendum. Et on a vu aussi comment ils sont rentrés dans des imprimantes pour fermer des petites boîtes d'imprimerie où ils étaient en train d'imprimer les bulletins de vote. Ils ont réquisitionné aussi des journaux, des radios, pour interdire qu'ils annoncent dans leur journal, dans leurs émissions, les annonces, la publicité du référendum. On a vu aussi comment ils ont fermé des sites internet, des sites web. Plus de 140 sites web ont été fermés, des sites où il y avait certains qui annonçaient le référendum et ils annonçaient les bureaux de vote où les gens allaient se rendre le jour du référendum. Des autres sites où c'était juste des sites pour s'organiser, les bénévoles s'organisaient pour savoir où aller les jours, le 1er octobre. Donc, et ça montait un peu le niveau de répression. Les jours qu'ils ont arrêté une quinzaine de personnes, des fonctionnaires du département d'économie, un mec qui avait une petite boîte une petite imprimerie où il avait imprimé des bulletins de vote. Ils ont été arrêtés 48 heures. Juste après l'arrestation, il y a eu une occupation massive en face du département d'économie. Et il y avait 30 000 personnes qui se sont concentrées là jusqu'à minuit pour demander la libération des personnes qui étaient arrêtées ces jours-là. Après, les personnes arrêtées ont passé au tribunal les jours après. Okay. Il y a eu un campement de plus de 30 000 personnes en face des tribunaux qui demandaient la libération des prisonniers politiques. C'était très drôle de voir même des leaders de la droite catalane reprendre les mots d'ordre de la gauche anticapitaliste. On voyait monsieur le président, les leaders des assos indépendantistes qui, politiquement, on peut dire que c'est des institutions assez centrées ou assez mainstream. Donc, demander justement la libération des prisonniers politiques, crier « les Russes sont toujours à nous », crier des mots d'ordre pour défendre la démocratie, la liberté d'expression et tout ça. Et voilà, ils ont passé en cours et voilà, ils ont été relâchés. Il y a eu aussi 700 maires qui ont soutenu le référendum, ça j'avais oublié. Et en Catalogne, il y a un peu moins de 900 villes et villages. Donc 700 maires, ça veut dire qu'il y a presque 80% des villes et villages qui soutenaient le référendum. Ces 700 maires ont été dénoncés par les procureurs et ils ont obligé à passer en face du procureur pour déclarer. Et il y a certaines, par exemple la trentaine des mairies contrôlées qui sont au pouvoir de la candidature d'unité populaire, ont refusé d'apparaître, ont refusé d'aller volontairement au procureur. Donc je pense que là maintenant on recherche, donc ils vont être arrêtés un jour, je ne sais pas quand, mais voilà. Et ça a été un peu le contexte avant d'arriver à la dernière semaine avant le référendum. Après les arrestations, il y a eu ces grosses mobilisations dont on parlait, avec les plus de 30-40 000 personnes à Barcelone. Après, il y a eu des rassemblements tous les soirs. Par exemple, j'étais, par des circonstances personnelles, j'étais à Tarragone, qui est une ville de, je pense, 120-130 000 personnes, mais c'est une ville pas très politisée, comme par exemple Barcelone, où on entend toujours parler des mouvements sociaux et tout ça. Mais quand même, il y avait des rassemblements de 25 000 personnes. Donc, ça a été assez historique, le niveau de mobilisation les derniers jours avant d'arriver au référendum. Quelques jours avant le référendum, l'État espagnol a annoncé qu'ils allaient fermer les bureaux de vote les jours même. La plupart des bureaux de vote sont des écoles, des collèges ou des lycées. Donc, ça veut dire que vendredi, ils allaient fermer pour les week-ends. Et pour empêcher que samedi ou vendredi soir, la police bloque toutes les écoles et collèges, ils se sont créés plein de comités dans tout le territoire des comités de défense du référendum. Il y avait aussi certains comités qui s'appelaient comité de défense du référendum et la liberté. Et à Barcelone, il y avait même des comités de défense du référendum plus libertaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont organisé tout un week-end d'activités, depuis la sortie des enfants des écoles. Ils ont occupé les écoles, parfois avec l'aide de directeurs et directrices de collèges et de lycées qui ont rendu les clés pour que ces comités de défense puissent occuper les écoles. Ça a été des comités qui ont respecté largement les écoles et lycées. Donc voilà, il n'y a pas eu de casse, de tout, voilà. Et ils ont juste organisé un programme d'activité, parfois assez drôle, je dirais, assez ironique, comme par exemple un championnat de pierre, papier, ciseaux. Ils ont passé au de jouer à échecs, tournoi 24 heures échecs au collège, machin. Donc les gens sont venus occuper les écoles plusieurs jours avant pour garantir le fait que le jour du 1er octobre, ceux qui veulent voter puissent voter pour ou contre l'indépendance de la Catalogne. Pendant les week-ends, il y avait les flics, les Mossos d'Esquadra, que c'est la police autonomique, la police catalane, qui, voilà, que c'est une police qui aussi elle est sous les ordres de l'État, donc ils sont obligés à enquêter si un juge leur demande de prosécuter un fait criminel, comme dans ces cas-là, non, entre guillemets, le référendum. Donc ce qu'ils ont fait, c'est de se présenter à deux, dans les collèges, lycées, dans tous les bureaux de vote squattés, pour constater qu'il y avait plus de 50 personnes et qu'ils ne pouvaient pas expulser tout le monde. Donc, cette auto-organisation d'activités pendant tous les week-ends, cette occupation des bureaux de vote a permis de garder les bureaux de vote occupés jusqu'au jour du dimanche 1er octobre. Il y avait d'autres bureaux de vote qui n'ont pas été squattés parce que c'était pas, par exemple, c'était des vieilles usines, des centres culturels qui sont très larges, donc c'était pas la peine de les squatter tous les week-ends. Mais il y a eu des rassemblements, d'appels à rassemblement à 5 heures du matin pour empêcher l'arrivée de policiers. Les agriculteurs, peut-être vous avez vu ces images à la télé, des agriculteurs qui ont mis leurs tracteurs pour bloquer les roues aux alentours des bureaux de vote pour empêcher les policiers d'arriver. Je pense que ce que tu n'as pas dit aussi, c'est que l'État espagnol, qui a deux polices en Catalogne, il y a les Mossos d'Esquadra dont tu as parlé, qui est la police catalane, et il y a la Guardia Civil, qui est la police de l'État espagnol. L'État espagnol a envoyé 5000 policiers en Catalogne, puis il a doublé les effectifs, donc jusqu'à 10 000 policiers en Catalogne, donc toutes les forces anti-émeutes presque d'Espagne, pour empêcher la tenue de ce référendum. Et c'est assez étonnant parce que on a l'impression que juste le fait de mettre un bulletin de vote, ce qui est assez discrédité, aujourd'hui ça ne motive plus énormément de gens, on voit les taux d'abstention, que ce soit en Espagne ou en France. Et là, juste le fait de mettre un bulletin dans une urne devenait un acte assez radical, on avait l'impression, quoi. Et c'est assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de choses derrière aussi, quoi. Oui, justement, les derniers jours, on a vu des choses assez choquantes, assez intéressantes politiquement, comme voir des syndicats anarcho-syndicalistes comme la CNT. Les dockers de la CNT ont soutenu le référendum. La CGT, qui est un syndicat anarcho-syndicaliste, qui est héritier de la CNT de l'époque, ont aussi soutenu la grève générale de 3 octobre. Une grève générale, on peut dire politique, organisé contre la répression qui a eu lieu le 1er octobre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 1er octobre? Donc, on voit plein d'organisations syndicales et politiques qui, a priori, étaient pas, sont pas du tout indépendantistes et qui n'étaient pas du tout dans les mouvements indépendantistes des dernières années, justement parce que, voilà, il y a tout un côté nationaliste, il y a même des secteurs de droite qui sont là-dedans, pour plusieurs raisons, ils n'avaient pas soutenu, mais en voyant qu'il y avait toute une mobilisation des bases autogérées, qui se prenait plein dans la gueule par les policiers espagnols, ils ont quand même fait un pas en avant et ont décidé de soutenir le référendum. Donc il y avait voilà, des anarchistes, non, j'ai pas mal de copains, non, qui sont anarchistes et qui ont soutenu au référendum, ils sont allés voter justement parce qu'ils ont constaté que cette votation-là, c'était assez radical, qui mettait en cause un peu tout le status quo, tout le régime de 78, non, le régime sortant de la dictature, qui 40 ans après, on peut discuter de si on veut avoir une monarchie, on veut avoir une police comme la Guardia Civile qui est héritière de la dictature et tout ça. Donc le 1er octobre, ce qui s'est passé, c'est que voilà, tous les 10 000, je ne sais pas combien de policiers envoyés en Catalogne, il faut là faire une parenthèse, il faut se rappeler qu'en Espagne, on est aussi en alerte antiterroriste 4, donc c'est assez grave envoyer 10 000 flics dans une seule région et laisser des grandes villes comme Madrid, Séville, Valence et autres sans la police, non, entre guillemets, dans une situation où les médias nous balancent constamment les dangers du terrorisme et tout ça. Donc il y a un côté d'irresponsabilité aussi de l'État espagnol en concentrant tous ces flics-là en Catalogne pour justement, comme tu disais, un fait si anodin comme mettre un bulletin de vote dans un référendum qu'eux-mêmes considèrent illégal. Donc, pour être illégal et pour ne pas vouloir reconnaître le résultat du référendum, ils ont quand même mis en place tout un mécanisme répressif assez large. Donc le 1er octobre, nous, on s'attendait à la réaction de la police espagnole, on s'attendait qu'ils allaient essayer de fermer quelques bureaux de vote. Il y a dans la ville de Barcelone, par exemple, il y a des bureaux de vote où il y a 40 000 personnes criées à voter. Donc il y a quand même des bureaux de vote très stratégiques où la police pouvait juste fermer ces bureaux de vote et tous les référendums étaient déjà délégitimés parce qu'on ne pouvait pas compter les votes. Ça a été, voilà, s'il y avait les bureaux de vote où les 30% de la population était criée à voter, qui ont été fermés, donc voilà, ça faisait très difficile de compter les votes. Par contre, ils n'ont pas fait ça, ils ont vraiment, ça nous parle beaucoup de la culture politique de l'État espagnol, ils ont vraiment voulu montrer la force de l'État, la force du pouvoir de la police et de la répression, ils ont, voilà, ils ont envoyé la police partout dans les territoires, à Barcelone notamment, il y a des images des charges très violentes, même de l'usage des flashballs, que, parenthèse aussi, a été illégalisé en Catalogne, justement après la lutte qu'on a eue contre justement les Mossos d'Esquadra, qu'aujourd'hui on dirait que c'est la police cool, mais bon, voilà, il y a certains militants qu'on n'oublie pas que la police catalane réprime aussi, donc il ne faut pas s'oublier. Parce que cette fois-là, la police, les Mossos d'Esquadra ont refusé de participer à la répression du référendum. Mais on n'oublie pas ce qu'ils ont pu faire par le passé, notamment évacuer toutes les places quand il y a eu le mouvement des indignés ou des choses comme ça. Voilà. Et donc ouais, tu disais donc la Guardia Civile a réprimé, on a compté à peu près 800 blessés sur tout le territoire. Quoi. Ça, c'est les blessés qui ont allé à l'hôpital à se faire soigner. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de blessés qui voilà, ils ont peut-être des blessures moins graves. Donc il y a ces 800 blessés. La présence de la police dans tout le territoire, dans des petites bleds paumées, où il n'y a aucun sens stratégique, politique, rien du tout, des petites bleds où il y a 100, 150 personnes, la plupart de populations très âgées. Donc voilà, c'était vraiment montrer la présence de la police, montrer faire peur aux gens, humilier les gens. Voilà. Donc, dimanche soir, moi je me sentais vraiment humilié, je me sentais blessé parce qu'il y a eu vraiment une répression injustifié, bon, la répression c'est toujours injustifié si vous voulez, mais vraiment c'était un mouvement tellement large et pour une partie très importante de ce mouvement c'était leur première expérience politique que je pense qu'avoir reçu des coups et avoir résisté, ils ont vraiment mis leur corps pour défendre ce bureau de vote et voilà, je pense que ça a été une journée à mon avis historique parce que finalement, il y a eu 2 300 000 personnes qui ont pu voter. Avec toute la répression, avec tous les bureaux de vote fermés, ils ont compté que tous les bureaux de vote fermés, c'était 700 000 votants qui n'ont pas pu voter. Après, pendant la journée, ils ont changé un peu les normes de référendum. Ils ont permis de voter ailleurs. Donc les gens qui ont leur bureau de vote fermé, ils pouvaient aller dans un autre bureau de vote. Mmh. Tout ça a été comptabilisé dans un système informatique, donc tu ne pouvais pas aller avec ton pièce d'identité voter 2-3 fois, a priori. Donc c'était quand même réglé par le système informatique. Mais voilà, c'était un mouvement, c'était une journée de mobilisation qui a duré toute la journée, qui a pris beaucoup de répression, et que toute cette indignation-là, à la fin de la journée, a eu comme résultat un appel à la grève générale du mardi 3 octobre. Voilà, le mardi 3 octobre, je pense que c'est la grève la plus suivie en 40 ans, au moins de l'histoire de la Catalogne. Je pense que tout le pays a été paralysé, peut-être sauf certaines grandes usines. Mais bon, il faut aussi se rappeler que Comisiones Obreras et UGT, c'est les grands syndicats en Espagne, c'est comme ici Force Ouvrière et CGT, n'ont pas soutenu la grève, et quand même le pays a été mobilisé. Donc oui. Ça aussi, parenthèse, pour les mouvements syndicaux, ça donne aussi des possibilités à imaginer une autre façon de faire du syndicalisme. On peut paralyser les pays sans besoin de grands centres syndicaux. Ça donnait quoi une journée de grève générale comme ça avec le pays paralysé? Toi, t'étais où à ce moment-là? Bon, là, j'étais déjà rentré, mais bon, j'ai suivi ça de loin. Mmh. Et pareil, je vous dis, images de villes moyennes avec des rassemblements énormes. Chez moi, c'est une ville de 15 000 habitants, il y a une manif que j'ai jamais vu un truc pareil. C'est en plus une ville touristique assez loin de problèmes politiques, mais j'ai vu des manifs à Calella, la ville de Calella. Peut-être qu'il y avait 10 000 personnes dans la rue, donc je pense qu'il y avait presque toute la population qui ont pris les rues ces jours-là. Et les petits commerces qui étaient fermés Oui, tous les commerces. J'ai vu aussi des images des quartiers de Barcelone où il y avait tous les commerces fermés. Ils avaient même quelques-uns mis des affiches. Aujourd'hui, on est fermé en solidarité avec les réprimés du référendum. Donc, ça a été un mouvement assez large. Mmh. Aussi, j'ai oublié de vous dire, parce qu'il y a eu tellement de mobilisations juste avant le référendum, vendredi, jeudi, il y a eu grève d'étudiants. Toutes les facs ont été fermées en Catalogne. Quelques lycées aussi, des grandes. Ils ont occupé le rectorat. Justement, oui, ils ont occupé la fac à Barcelone, de l'Université de Barcelone. Que c'est aussi assez symbolique parce que l'Université de Barcelone a été occupée pendant des mois et des mois pendant la lutte contre la. Je ne sais pas comment ils ont appelé en France, mais là-bas c'était appelé les plans Bologne. C'était la réforme de l'éducation supérieure pour mettre ça en rapport avec les normes de l'Union européenne. Donc Ivan, ce que je te propose, c'est là on va faire une petite pause musicale avant de reprendre avec toi sur la situation en Catalogne. Et je te propose d'écouter une chanson qui a été beaucoup reprise dans les manifestations qui s'appelle L'Estaca. Et si tu peux nous dire un peu ce que c'est cette chanson en quelques mots. Bon, c'est une chanson, c'est un symbole de l'antifranquisme. C'est une chanson composée par Lluís Llach, qui du coup aujourd'hui il est député dans la coalition indépendantiste de Junts pel Sí. Mais oui, voilà, c'est un symbole de l'antifranquisme. Et aujourd'hui, c'est quand même symbolique qu'on reprend cette chanson-là dans les manifs pour faire face aux forces d'occupation de la police espagnole. Ok, on s'écoute ça tout de suite et on revient ensuite ensemble au fond près du radiateur 106.3 FM. La vie, si c'est un peu le bonheur d'y'a occultat mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus les taques on estem tots lligats, si no podem desfer-se mai no podrem caminar. Si es tirem tots allà no pot durar. voudrais me libérer. Trop si c'est pas mon déjà, les mains se'm van escorxar. I quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si es tirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Sé que tomba, tomba, tomba, ben portada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, sé que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La Bicisset ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar el darrer cant d'en Sisset, lo darrer que em va ensenyar. Si es ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben portada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Vous êtes de retour au fond près du radiateur, donc on vient d'écouter une chanson populaire catalane qui s'appelle L'Estaca. Et qu'est-ce que ça disait cette chanson en quelques mots? En bref, ça fait un appel à se mobiliser tous ensemble pour faire tomber, à l'époque c'était la dictature, donc voilà, pour faire tomber cette poteau-là auquel on est attaché par force. Si on se met tous ensemble, on va les faire tomber. C'est ça, ouais. En tout cas, c'est très beau, j'aime beaucoup cette chanson. Et donc, pour reprendre un peu sur la situation en Catalogne, moi, je voulais te poser la question, clairement, qu'est-ce qui t'a fait un peu vibrer dans ce mouvement, le fait de voir un mouvement populaire comme ça qui à tout moment peut déborder, une situation vraiment politique qui est assez exceptionnelle et on ne sait pas vraiment... Où ça peut aller dans un très bon sens comme dans un très mauvais. D'abord, j'aurais jamais pensé qu'on en serait arrivé là. Dans le sens que ça fait 5 ans, même plus, qu'on entend parler de tout ce processus. Ils ont appelé ça le processus. Donc les processus d'indépendance, les processus indépendantistes, il y a tout un des manœuvres politiques au niveau parlementaire dans les politiques professionnelles pour un peu se racheter toutes les coupures budgétaires, toute l'austérité qui le gouvernement catalan a dû passer aussi, comme les autres gouvernements espagnols et les autres gouvernements européens. Donc un peu les mouvements indépendantistes, ils l'ont utilisé d'une certaine façon pour surfer le mouvement et cacher avec les drapeaux certaines lois antipopulaires qu'ils ont dû passer pour la crise. Donc, ça fait 5 ans, on est vachement dérouté, ça prend très longtemps, ce processus, c'est un peu l'histoire sans fin. Et il faut être honnête, hein, il y a toute une partie du mouvement indépendantiste qui est dirigée par des partis de la droite catalane, une droite libérale, que si jamais ils sont au pouvoir dans la nouvelle République indépendante, ils vont faire un programme à la Macron, hein, donc on peut pas être très... ça fait pas rêver, bref. Donc, nous on pensait, donc la gauche indépendantiste et la gauche anticapitaliste en Catalogne, on a toujours soutenu ce processus si on avait vraiment une date de référendum. Avec beaucoup de contradictions, avec beaucoup de, même des bagarres internes très importantes, qu'on n'a pas le temps de raconter là, peut-être un autre jour, mais... Il y avait un secteur, donc je suis là-dedans, peut-être, qui était plutôt pas très sûr de où ce processus pouvait nous amener. Que d'une certaine façon, ça servait à la droite pour les renforcer, pour cacher leur corruption, leur austérité et tout ça. Mais c'est vrai que cette année-là, les mois passés, et à chaque fois, les leaders politiques étaient dans des positions beaucoup plus dures, beaucoup plus de désobéissance. Et voilà, c'est pour ça que je dis que j'aurais jamais pensé qu'on serait arrivé à ce point-là. Donc déjà, il faut avouer que voilà, on est surpris, non ? On est surpris que les gouvernements catalans aient tenu leurs paroles, non ? Ils ont tenu leurs promesses électorales de faire un référendum avec la pression de la candidature d'Unité Populaire, les anticapitalistes. Mais voilà, on a eu la date de référendum et on a eu un référendum qui a été illégal, mais que quand même ils l'ont fait, même s'ils risquent d'avoir des peines de prison et tout ça. Et de notre côté, ce qui m'a fait plus plaisir, c'est voir comment les gens se sont auto-organisés pour défendre ce référendum. Parce qu'à bout d'un moment, on avait peur que ça soit justement des mouvements de palais, des mouvements entre les politiques espagnols et catalans, et que les gens, la société catalane, soit un peu, voilà, on passe de loin, on n'a rien à foutre de toute cette histoire-là. Et pas du tout. Justement, la société catalane a montré une maturité politique à défendre un droit d'autodétermination, même en mettant leur corps. Et ça, c'était assez hallucinant, franchement, les jours qu'il y a eu les quinzaines ou vingtaines d'arrestations, comme les gens ils ont pris les roues, c'était hallucinant. Donc, c'était vraiment... ça montre les potentialités de ce mouvement-là. Non, si jamais il y a des arrestations pour d'autres raisons, soit pour des luttes de logement, des luttes de travail ou autre, ça nous montre que si on bouge et on est nombreux, on peut vraiment changer les choses. Et après, le référendum, ça a devenu un symbole, mais justement, cette auto-organisation, les comités de défense des référendums, avec des assemblées, des centaines de personnes dans les quartiers des grandes villes, dans des petites villes et des petits villages où il y avait toute la population organisée, toute la créativité que ça dégage, non, comme je disais tout à l'heure, les activités qui sont faites pendant les week-ends, des façons de blocus qui ont fait pour empêcher les polices d'arriver, voilà. Donc on voit aussi comme la mobilisation elle est pédagogique et on peut faire un mouvement qui a priori on pouvait dire comme ça vite fait, même s'il y avait des secteurs plus de gauche, on peut dire un mouvement assez de classe moyenne. Ça peut virer, ça peut changer vers un mouvement qui demande de la justice sociale, qui demande d'avoir d'une certaine façon, si finalement on déclare l'indépendance et ça avance, on a l'opportunité de construire un pays avec des choses qu'on peut construire du début et exiger au Parlement, exiger à l'État que ça soit au niveau social beaucoup plus juste, qui lutte contre les inégalités, qu'on a des politiques de logement plus favorables aux démunis, voilà, tout ça. Donc ça, c'était pour moi les bilans que j'ai fait de cette mois de mobilisation, c'est justement ça, que l'auto-organisation de base, ça peut faire la pression au gouvernement. Et je pense même qu'aujourd'hui, le gouvernement, il est dans une situation assez compliquée parce que voilà, ils vont déclarer l'indépendance, ils vont payer cher ça au niveau de la justice espagnole, il y aura des procès, et ça va prendre du temps, il y aura la répression, il y aura des gens qui vont finir en taule. mais que finalement on a les gens de base, des milliers de personnes qui vont se mobiliser pour lutter contre les prisonniers, pour lutter contre les arrestations politiques, pour la liberté d'expression et tout ça. Cet entretien, il est enregistré le 7 octobre, donc lundi ou mardi qui vient, le 9 ou le 10, il doit y avoir normalement la proclamation d'indépendance au Parlement catalan. Si le gouvernement refuse de faire ça, ou si les députés refusent de faire ça, il y a une force de la rue qui ne va pas accepter ça aussi. Non, là, c'est vraiment la situation, elle est compliquée. Hein. Là, si vous voulez, on a parlé jusqu'à là de choses qui nous font plaisir d'un point de vue militant, de mouvements sociaux qui se mettent en place. Mais c'est vrai que la situation n'est pas facile parce que l'État espagnol est très autoritaire. Et ça montre un peu la culture politique héritée du franquisme. Et, il n'y a pas la place au dialogue. Il y a tous les secteurs de Podemos ou de Catalunya en Comú qui demandent un dialogue pour établir un référendum légal qui soit accordé et qui respecte les résultats. Mais aujourd'hui, on peut dire que l'État espagnol est ferme dans la défense de la Constitution et de la légalité. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a 2 300 000 personnes qui ont voté. C'est combien d'habitants la Catalogne ? Voilà, donc c'est 42% de participation. Mmh. Donc 42% de participation, même si avec la répression, ça, on ne peut pas compter comme si c'est des élections normales, parce que voilà, il y a eu 10 000 flics qui ont empêché les gens de voter. Ouais. Et même s'il y a eu toute cette répression-là, il y a eu 42% de participation. Le résultat du référendum a été 90% oui, 10% non. Ça montre aussi que les votants du non n'ont pas été mobilisés. Donc les votants du non ont soutenu un peu les boycotts au référendum, non, entre guillemets, de ne pas légitimer un référendum qui était illégal. Je pense que si jamais on a un référendum accordé et légal, il y aura une participation très large et les votants du non, ça sera aussi très large. Donc aujourd'hui, la voie de la déclaration de l'indépendance, c'est aussi une voie qui a des difficultés parce que ça ne va pas être facile de défendre une indépendance avec la moitié de la population. Donc ça va être très délicat. Très délicat parce qu'en ce moment-là, les gouvernements ne peuvent pas céder. Déjà parce qu'en face d'eux, ils ont la répression et un État autoritaire comme l'espagnol. Et de l'autre côté, il y a quand même 2 millions de personnes qui sont mobilisées. Qu'il va falloir quand même attendre leurs demandes. Donc, la situation est difficile. Donc, je ne sais pas, franchement, ça fait aussi assez peur voir comment il y a toute une partie de la population qui est contraire à l'indépendance, notamment dans d'autres régions de l'Espagne, qui ont commencé à se mobiliser aussi. Ce week-end, on a eu des rassemblements pour la défense de l'unité de l'Espagne. Dans un pays que, à mon avis, ou moi jusqu'à là, donc, ces choses-là se font halluciner un peu, mais jusqu'à là, je pense que l'Espagne, c'était, à cause de son passé, c'était pas du tout un pays nationaliste. Mais ces derniers jours, avec tous ces drapeaux-là, soit catalans, soit espagnols, franchement, ça fait remettre en cause des éléments que peut-être ils étaient cachés. Et aujourd'hui, on voit comment ça ressort. Il y a tout un côté de l'extrême droite aussi qui mobilise. Il y a eu des rassemblements qui appuyaient, qui soutenaient les policiers. On a vu des images, bon, c'est très minoritaire, mais quand même c'est significatif, voir des images des gens qui soutiennent la sortie des Guardia Civil vers la Catalogne en criant des chants de foot a por ellos, que ça veut dire allez-y, bref, qu'ils criaient à défoncer les Catalans. Donc peut-être là, avec toute cette tension-là, ce conflit entre l'État espagnol et la Catalogne, ça peut dégager des choses qui on croyait enterré, et ça peut, c'est quand même des éléments qu'il faut avoir la tête froide et y réfléchir. Donc c'est une situation difficile dans une certaine façon. On a la force de la mobilisation, on a la force de l'autogestion, comment une partie très large de la population s'est mobilisée, mais ça reste quand même la moitié de la population, non? Donc voilà, je pense que les jours à venir ça va être compliqué. Après aussi, là je suis obligé à faire cette remarque, il faut se rappeler que ça veut dire quoi être indépendante dans un capitalisme mondialisé? On a les cadres de l'Union européenne qui impose, par exemple, à la Grèce. La Grèce, c'est un État indépendant, non ? Entre guillemets, indépendant, un État avec leur institution. Et on avoue très bien comment ils n'ont pas respecté les résultats d'un référendum contre l'austérité dans ces cas-là, et qui se sont fait occuper par la Troïka, non ? Par les fonds, les FMI, les banques mondiales et l'Union européenne. Ils ont occupé la Grèce, de facto, ils ont imposé des lois. Donc justement, l'indépendance de la Catalogne, ça pose aussi un débat sur la table. On veut l'indépendance, mais on veut l'indépendance pour faire quoi ? Et comme on a discuté plein de fois, il y a ce côté de l'indépendantisme libéral de droite, il y a un côté anticapitaliste, mais c'est quel modèle qui va réussir, qui va gagner à s'imposer ou qui va pouvoir construire une hégémonie, un consensus dans la société catalane. Donc ça, c'est quand même une des questions qui restent à résoudre. Et là, je pense que les révolutionnaires, les anticapitalistes, on trouve dans ce processus d'indépendance une opportunité. Mais il ne faut pas être naïf, il va y avoir aussi une lutte des classes dans le sens de l'indépendantisme. Et jusqu'à là, on a soutenu certaines mesures du gouvernement catalan pour pouvoir avoir le référendum. Mais à bout d'un moment, il va falloir aussi rentrer dans la contradiction et montrer que notre modèle de société, c'est à l'opposé de ce qu'il défend. Donc voilà, ça va donner aussi, et de notre côté, ça peut donner aussi des éléments à la gauche espagnole, et même une opportunité pour lutter contre le régime, lutter contre la corruption du Parti Populaire, lutter contre l'état des lieux de la politique en Espagne. Aujourd'hui, il faut se rappeler, le Parti Populaire est au gouvernement avec une majorité soutenue par un parti qui s'appelle Ciudadanos, que c'est un peu la version Macron de Podemos. Et donc voilà, on a un gouvernement de droite, et la gauche et les mouvements sociaux en Espagne aussi peuvent voir dans la question territoriale une opportunité pour remettre en question la monarchie et le régime sortant de la dictature espagnole. Parfois on dit qu'il n'y a pas d'extrême droite en Espagne, mais peut-être parce que la droite est déjà extrême. Mmh. Et après il y a une gauche, que c'est le Parti Socialiste, que ce n'est pas non plus une vraie gauche. Donc, on voit peut-être que la question territoriale avec la Catalogne, qui après, c'est pas que la Catalogne, parce que si jamais on fait un référendum en Catalogne, après c'est les Pays Basque, après c'est la Galice, peut-être l'Andalousie aussi. Donc on va remettre en question tout le status quo de l'État espagnol, comme il a été construit après la dictature. Mmh. Et ça peut-être c'est une opportunité aussi pour avancer vers l'émancipation. Donc je suis... Il faut être honnête qu'il y a des secteurs dans l'indépendantisme catalan qu'il faut se méfier, mais ça peut donner aussi une opportunité. Donc finalement, c'est ça, l'histoire n'est pas écrite, il y a une lutte des classes au son de l'indépendantisme, il y a une lutte des classes contre l'État espagnol, et la question nationale, on ne peut pas l'éloigner de la question sociale. Ça va être toujours, et c'est ça un peu le slogan, c'est un peu la revendication de la gauche indépendantiste historiquement, la question nationale et la question sociale vont ensemble. On ne peut pas se libérer d'une chose sans se libérer de l'autre. Encore, c'est très récent, on est en train de discuter avec des camarades, mais peut-être on aura de nouvelles dans les jours qui viennent. On est en train d'organiser un programme, on a organisé une campagne plutôt, d'appel des militants internationaux qui seront disponibles de venir en Catalogne si jamais il y a une montée de la répression comme on attend qu'il y aura lieu. Faire un appel international à des militants qui veulent venir en Catalogne pour déjà constater ce qui se passe, faire des rapports, communiquer avec leur organisation, leur mouvement chez eux, dans leur pays, et aussi nous aider à résister si jamais il y a une répression beaucoup plus dure, physique et légale. Mmh. C'est ça, parce qu'il ne suffit pas de proclamer l'indépendance ou quoi, mais ensuite il faut la défendre au quotidien, quoi. Exactement, c'est ça, et ça va pas être facile, mais en tout cas cette campagne là ça va être vraiment pensé pour empêcher la répression, déjà qu'on a une présence internationale, et de l'autre côté, alors notre inspiration elle est claire, hein, c'est les brigades internationales. Donc on s'inspire de cet internationalisme. Une des choses que parfois la gauche espagnole nous a critiqué à la gauche indépendantiste, c'est que nous, on n'était pas internationalistes, et ça, c'est pas vrai, parce qu'on a toujours milité pour la cause palestinienne, kurde et autres. Et ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la droite catalane qui, oui, est au pouvoir, qui est très sioniste. Oui, malheureusement, c'est possible qu'un des premiers pays qui vont reconnaître la Catalogne, ça sera Israël. Parce que les liens entre la droite catalane nationaliste et Israël a été historiquement très fort. Parce qu'ils ont toujours un peu vu Israël, non, comme un pays qui, entre guillemets, a réussi à construire un État de rien, avec leur langue et tout ça. Et donc il y a tout un côté. Là, il y a une position très forte entre vous qui est une partie du mouvement indépendantiste. Et... Oui, oui, voilà, ça c'est les contradictions de l'indépendantisme qu'il faudra faire face. Et oui, c'est vrai, nous on va être toujours contre des propos comme ça, donc on sait très bien où on est, ce qu'on défend, et de la même façon qu'on a voté avec la droite catalane pour passer une loi contre l'homophobie, on a voté avec la droite catalane pour passer une loi contre la pauvreté énergétique, donc pour empêcher l'EDF espagnol de couper les sous-ministres des familles qui ne pouvaient pas payer. Du coup, aussi, ça c'est bien de rappeler, des lois qui ont été déclarées inconstitutionnelles par les tribunaux constitutionnels. Donc, on a voté avec eux pour ces sortes de lois qu'on considère progressistes, de la même façon qu'on a voté avec eux pour le référendum. Par contre, ils vont nous trouver toujours en face d'eux, contre eux, s'il y a des propos, des intentions de construire un État qui soit discriminatoire ou raciste ou quoi que ce soit. Okay. 106.3 FM, c'est l'émission Au fond près du radiateur. Comme tous les mardis de 19h à 20h30, on est rediffusé aussi le vendredi matin de 7h à 8h30. sur la même antenne 106.3 FM. Et du coup, donc, là, c'est du direct avec ses ratés et tout ça. Voilà, c'est ça, c'est normal. Et donc, ouais, juste pour revenir en quelques secondes sur ce qu'on vient d'écouter. Donc, par exemple, la Catalogne, c'est vrai que vu d'ici, quand on n'y connaît pas grand-chose, on se dit, ouais, mais en fait, ils sont tous espagnols. Pourquoi il y a une région, elle veut se mettre toute seule? Pourquoi ils veulent se séparer? Pourquoi ils ne restent pas tous ensemble? L'union fait la force, en quelque sorte, tu vois. Et ce qui me paraissait intéressant dans ce reportage, déjà, à la base, quand il y a des gens qui veulent juste donner leur avis et qu'on leur envoie 10 000 policiers pour les empêcher rien que de mettre... de dire oui ou non, de mettre un bulletin dans une urne ou je sais pas quoi... C'est choquant, tu vois. Les gens veulent donner leur avis, on leur envoie des forces de police, il y a 800 blessés. Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir en image à la télé. Donc à partir de là, c'est vrai que l'État, quand tu le vois pas au quotidien, tu vas plus voir l'État comme l'école ou les hôpitaux dans le meilleur des cas, tu vois. Et là, en fait, tout l'appareil répressif de l'État apparaît au grand jour. Donc c'est vrai qu'à partir de ce côté-là, tu as envie d'avoir l'avis des gens qui ont voulu s'exprimer sur l'indépendance de la Catalogne, voir qu'est-ce qu'ils en pensent, pourquoi ils ont fait ça, etc. Quoi. Nous, en tant qu'émission de radio, c'est pour ça qu'on a voulu donner la parole à Ivan. Après, ce qui est important dans le moment actuel, c'est ce que tu disais, notamment Mustapha, c'est que ça ouvre... une brèche. C'est-à-dire que l'Espagne, depuis 2008, voire avant, subissent une période d'austérité assez forte, avec un chômage très fort, avec une précarité très forte. Il me semble qu'ils ont baissé le SMIC dernièrement, des choses comme ça. Il y a eu tous les gens qui ont perdu leur maison et qui, en plus, se retrouvent à la rue et qui doivent continuer à payer la dette, c'est-à-dire les emprunts qu'ils ont faits pour acheter leur maison. Ils ont perdu leur maison, mais ils doivent continuer à payer auprès des banques. Donc voilà, ça, c'est la situation concrète de nombreuses personnes en Espagne et en Catalogne. Donc, c'est vrai que les Catalans, une partie des gens qui sont pour l'indépendance, il y en a beaucoup qui ont dit, ben voilà, nous, on ne veut plus de rien avoir avec ce pouvoir central qui nous fait vivre la misère au quotidien, et on va tenter de faire un truc de notre côté. Et après, c'est vrai que c'est cette coalition de partis qui réclament l'indépendance, ben, il y en a, notamment Puigdemont qui est au pouvoir. C'est lui qui, en 2011, faisait toutes les coupes budgétaires dans le budget de l'État, dans le budget des services publics, etc. Donc c'est vrai que s'il accède au pouvoir en Catalogne, tu sais pas... Enfin si, en vrai, tu sais ce qu'il va faire. Il va pur et dur. Ouais, voilà. Donc, ce qu'on disait à la fin de de cette interview, c'est que c'est un mec qui est ultra sioniste, qui soutient Israël, etc. La colonisation en Israël, la colonisation des territoires palestiniens. Donc, sur cette question-là du référendum de l'indépendance, tu peux faire une alliance avec lui, mais si ensuite tu sais que ce parti-là va arriver au pouvoir, tu sais qu'il va falloir se battre contre lui. Mais aujourd'hui, bon, il y a eu des manifestations. Vraiment massive. Et quand tu as autant de gens dans la rue, c'est difficile de les faire rentrer chez eux, tu vois. Donc c'est vrai que les gens ont un certain pouvoir entre leurs mains, tu vois. Et la situation peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, ça nous paraissait intéressant d'en parler, quoi. Grave, grave intéressant. Juste un retour historique pour calmer tous les gens qui se posent des questions entre la solidarité nationale ou pas espagnole, ils sont tous espagnols ou pas. Je sais qu'il y a un lavage de cerveau en France depuis à peu près 1000 ans pour construire l'identité française et le nationalisme français. En Espagne, c'est pas pareil. Barcelone, juste pour rappel, la légende dit que c'est Hannibal qui l'aurait fondé. Du coup, Barcelone, une origine très très lointaine. Hannibal Lecter ou... Hannibal. C'est qui Hannibal? Celui avec ses éléphants là? Je sais pas pourquoi je considère comme antique les gens connaissent Hannibal, César... Non, mais pour les auditeurs, c'est bien si tu dis qui c'est. Hannibal, en fait, c'était un général punique, comme ouais. Je viens de le dire. Donc Hannibal Lecter, ça n'a pas trop de rapport avec punique. Punique, c'est un ensemble culturel qui provient de Phénicie et qui s'est instauré après l'ancienne Phénicie, en fait, avec la mainmise de Carthage sur toute la Méditerranée du Sud, quasiment. Carthage, qui était une ville située au nord de la Tunisie. Et la légende raconte que c'est Hannibal, en passant par l'Espagne et en traversant les Alpes par la suite pour attaquer Rome, qui aurait fondé la ville de Barcelone. Mais aucun rapport avec les Catalans de maintenant, bien sûr, évidemment. Juste, il ne faut pas oublier que le lavage de cerveau et la construction d'identité espagnole Ouais, c'est fait très tardivement. En fait, les Visigoths germains qui étaient venus, ils s'étaient emparés de toute l'Ibérie, Portugal compris, et Espagne également. Il y a eu une conquête musulmane qui s'est faite après, qui a dominé l'Espagne jusqu'à quasiment le 15e siècle, où c'est la chute de Grenade, et du coup, l'avènement de ce qu'on connaît maintenant comme le royaume d'Espagne, en fait, tout simplement. Du coup, un royaume qui s'est construit après ce qu'on appelle une reconquista, en fait, et qui s'est construit et qui a réussi à regagner tous les territoires sur les musulmans. Mais en même temps, dans la foulée, ils ont fait la découverte des Amériques, qui a été un outil très fort pour pouvoir créer un État espagnol, une monarchie espagnole, qui a dominé l'Europe pendant tout le XVIe siècle avec tout l'argent qui est venu dedans. Notamment les quand gens ils ont pillé pas... les mines d'or et d'argent d'Amérique du Sud. Et cette monarchie espagnole qui s'est imposée à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, en fait, c'est une monarchie qui a réussi à établir un consensus avec les autres royaumes et principautés que composait l'Espagne à l'époque, que ce soit la Catalogne, que ce soit la Galicie, que ce soit la Murcie ou ce qu'on veut. Et c'est le royaume castillan, donc la région actuelle de Madrid et tout ça, qui a imposé son hégémonie sur tous les autres royaumes et principautés, qui gardaient leur propre identité pourtant, en même temps. Et qu'en fait, l'autonomie catalane avait été déjà annoncée en 1934, en octobre 34 en fait, c'est pas pour rien que le référendum il se fait aujourd'hui non plus. Qu'en 1934, en fait, c'est l'aboutissement de pas mal d'idées qu'ont secoué l'Europe en 19e et le début du 20e siècle, des idées politiques qui sont nouvelles ou pas, et aussi des prises de conscience culturelles et de peuples qui transcendaient la construction d'États-nations assez fortes qui se poursuivaient également, tu vois. Alors qu'en France, en fait, il y a une francisation à fond, il y a une perte des identités régionales. En Espagne, pendant toute cette période-là, elle n'a pas connu ça. Donc elle a gardé assez intact, en fait, les régions, enfin, les aires culturelles qui composaient l'Espagne étaient restées plus ou moins intactes. Donc c'est pas une question de solidarité espagnole ou pas, puisque le terme espagnol, en fait, c'est un terme qui désigne une langue, qui est principalement castillane et pas catalan, à la base. Et qui a une construction artificielle aussi, tout comme la France, mais avec beaucoup moins de temps de lavage de cerveau qui a été fait. En fait, c'est tout. Et aussi, pour revenir à la période actuelle, c'est vrai que l'État espagnol, comme il existe, il est héritier directement de la dictature de Franco. Et qu'il y a énormément de cadres, soit des juges, des hauts magistrats, ou même des ministres, qui étaient ministres eux aussi sous Franco. Et donc, En fait, la monarchie constitutionnelle à côté de l'Espagne, c'est un cadeau de Franco. Okay. C'est pas plus clair que ça. Et pour le rappeler, Franco qui arrive au pouvoir en matant la révolution espagnole, et donc qui était une révolution ouvrière où les gens ont repris concrètement les moyens de production, que ce soit dans les campagnes ou dans les villes, que ce soit l'industrie qui était directement aux mains des travailleurs. Et Franco qui est arrivé, qui a maté tout ça dans le sang. Et ce que Ivan disait dans l'interview, c'est vrai qu'il y a eu énormément de disparus. Il y a encore des familles qui ne savent pas ce que sont devenus, par exemple, le grand-père ou des choses comme ça. Donc l'État espagnol est l'héritier de cette tradition-là. Et c'est vrai que quand tu vois, les gens veulent expérimenter la démocratie directement par le biais de l'indépendance en Catalogne et qu'on leur envoie encore une fois la Guardia Civil, qui était la police de Franco historiquement aussi, pour mater tout ça. Bon, ça fait revenir... tu reviens aux fondamentaux de l'État espagnol, quoi. Donc nous, d'un côté, on peut que soutenir, en tout cas donner la parole aux gens qui se battent dans la rue en ce moment, tu vois. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est même pas que le fondamental de l'État espagnol, c'est le fondamental de tous les États, en fait. Tu menaces carrément l'État en lui-même. L'État espagnol n'a plus de raison d'être si l'indépendance de la Catalogne, elle est déclarée, parce que ça laisse espoir aux indépendantistes et autonomistes basques, par exemple. Et puis ça peut créer des idées nouvelles chez d'autres régions également. Et puis globalement, c'est une continuité de ce qui est en train d'arriver sur la construction capitaliste de l'Europe, qui est en train d'être en face d'un mur. Ce qu'on assiste, c'est un mur qui est en train de... tout explose, quoi. Et c'est pas par hasard qu'on parle des révoltes sociales, parce qu'à chaque fois, l'Europe, c'est... moins de protection sociale, de l'ultralibéralisme, c'est le projet qui est là. Et c'est vrai que ça a un lien aussi avec tout ce qui se passe en Catalogne et ailleurs, qui est les gens se retrouvent, le projet de vie, c'est juste marche ou crève, pour dire les choses simplement. Alors effectivement, en Catalogne, ça va dans tous les sens aussi, mais c'est pas par hasard. C'est les gens sont en train de concrètement de poser la question de leur existence humaine. Je veux dire, moi c'est comme ça que je le vois de Paris, en ne connaissant pas toutes les subtilités, ce qui est en train de se passer. Je veux dire, on sait qu'il y a là ils critiquent vachement sur le référendum, comme quoi c'est seulement 40%, etc. Des personnes qui auraient voté pour l'indépendance. Il y a 10 ans en France, plus de 10 ans ou 12 ans, on a fait un référendum contre et le nom de l'Europe a passé et ils se sont assis sur les voix des personnes, je veux dire. Donc cette idée de démocratie, c'est dans quel angle tu veux l'attaquer ou pas et qu'est-ce qui est représentatif ? On le voit bien, Macron, le Parlement français a été élu avec 40 ou moins de 50% du corps électoral. C'est-à-dire que la majorité des gens n'ont pas été votés. Le Parlement français représente à peine 20 à 30% des électeurs dans le norme démocratique. Je veux dire, c'est de ça qu'on est en train de parler. Donc rien n'est représentatif, à part, c'est comme ça qu'on le pense. Ce sont les gens qui agissent, qui bougent, qui sont représentants de quelque chose. Et à nous de nous inscrire ou pas et de comprendre ce qui se passe. Mais oui, ce qui est posé, c'est la construction européenne. Et la construction européenne, c'est le code du travail, la protection sociale, l'avenir social en Europe et dans le monde, je veux dire. Où on va ? Après, il y a deux, trois trucs qui sont archi intéressants dans le cadre de ce référendum. Juste ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un mouvement aussi issu de la société civile. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, en fait, quand je parle comme ça, c'est simple, c'est un mouvement qui est issu principalement de la population, pas forcément de partis politiques ou autres, même s'il est porté par des partis politiques, et qui trouve un consensus aussi bien dans la population que dans les formations politiques traditionnelles, telles que parti socialiste, parti centre-droit ou droit-centre, ou ce qu'on veut, et même dans l'extrême droite ou dans l'extrême gauche ou autre. Du coup, de ce côté-là, moi, j'ai plutôt du scepticisme par rapport à plein de choses. Ce que je trouve super positif, c'est que d'une, principalement dans la société civile, ce qui les a incités à être de plus en plus indépendantistes, c'est ce qui s'est passé suite à 2008, 2009, 2010, quoi. Une précarisation de la société, l'explosion de la bulle immobilière espagnole et de pas mal de choses qui a fait prendre conscience aux gens qu'en fait la finance, les pouvoirs politiques et tout ça, ils étaient assez impuissants et que tous participaient, étaient acteurs à ça. Et du coup, la question de se poser, comment on peut, en tant que citoyen, agir et se séparer, peut-être qu'en étant plus autonome ou indépendant dans l'endroit local où tu vis, en l'occurrence à Catalogne, peut-être ça te permet de reprendre ton destin en main. C'est ça. Dans la société civile, c'est principalement cette idée-là qui s'impose, même si on ne la voit pas sur les partis politiques en général. Du coup, je serais plutôt sceptique, parce que comme le disait Ivan tout à l'heure, c'est un mec centre-droit, pro-sioniste à fond. Les deux plus grandes banques espagnoles, elles sont catalanes, en fait. Même si elles menacent elles disent qu'elles vont déménager ou patati patata. Est-ce que vraiment, ils vont sortir de l'euro ou pas ? Ça, j'en sais rien, je pense pas. En fait, il y a plein de trucs qui font que, pour moi, je suis assez sceptique sur pas mal de sujets. Mais par contre, sur deux, trois trucs, comme le fait de créer un précédent juridique, ou peut-être pour une fois, on va dire, une zone géographique à dimension humaine arrive à prendre en main son destin, quels que soient ses désirs politiques, je trouve ça assez positif, en fait. Et ça peut peut-être créer des idées, dans le reste, je ne dis pas tout de suite, mais peut-être d'ici 4 ans, 5 ans, et des incitations aux gens. Peut-être qu'on pourrait penser à l'indépendance de la ZAD ou de Saint-Denis, ou je ne sais pas, moi, des trucs comme ça. 93. Ouais, ou je ne sais pas, moi. On pourrait peut-être nationaliser l'aéroport du Bourget dans le 93, ce serait assez marrant, en fait, tu vois. Ça donne des idées, quoi. Exactement. Et là, il nous reste 10 minutes d'émission. Donc, on voulait parler aussi de ce qui s'est passé aujourd'hui, revenir en France un peu. Il y avait notamment une grosse manifestation aujourd'hui. Et du coup, on est avec Anaïs et Robinson. Je ne sais pas s'ils voulaient enchaîner directement. Ou si on fait une petite pause musicale avant, Anaïs, tu nous as préparé une chronique un peu sur la réforme du code du travail, qu'est-ce que ça va changer pour nous au quotidien. Bonsoir aux auditeurs d'FPP. C'est pas très long en fait, c'est vraiment une toute petite chronique pour rappeler les petits faits du texte qui auraient pu être oubliés ou même que certaines personnes ne connaîtraient pas. Pour bien montrer à quel point, même dans ce qui est annoncé publiquement, il reste encore des choses assez atroces et dont on ne vous parle pas. Donc, je me réserve quelques minutes pour vous en parler après la pause musicale. Et je vous parlerai aussi, je voulais aussi vous dire qu'à la prochaine chronique, donc la semaine prochaine, je parlerai de la révolution d'octobre 2017, parce qu'on fait une conférence sur la révolution d'octobre 2017, et je parlerai du pouvoir citoyen et du pouvoir d'en bas, mais ça, je réserve ça pour la semaine prochaine. À tout à l'heure. Yes, Naïs, oui, pour revenir sur la loi travail, bon, moi j'y suis passé cet après-midi, la grève... Grève de privé, public, tous les syndicats réunis apparemment cet après-midi pour une journée de grève générale. Voilà, bon, les manifs, on va revenir dessus, hein, on connaît, mais il y a eu beaucoup de monde, voilà, etc. Mais c'est pas l'important. Moi, j'ai entendu par exemple voilà, des personnes de la CGT parler et qui remettaient en question, c'est pas nouveau. Hein, pourquoi la CGT, par exemple, ne part pas sur une semaine entière de grève avec des blocages, etc. Essayer de garder tout le monde. Ils parlaient notamment de la division. Voilà, les routiers, ils ont eu ce qu'ils voulaient dans leur branche. Donc, ils sont tranquilles. Donc, ils ont arrêté leur mouvement. Et bon, voilà. Il y a toutes ces questions qui sont posées. Vous, par exemple, toi, Mouloud, par le passé, c'est déjà arrivé que la CGT lance comme ça une semaine de grève reconductible, donc, et pas une journée par-ci, par-là. À la base, c'est pas la direction de la CGT qui décide de faire grève, ce sont les travailleurs. Je pense que c'est très important de le rappeler. C'est pas M. Martinez ou je ne sais plus, Henri Krasuki, quand il y a eu mai 68, 36, toutes ces luttes-là. C'est plutôt les directions syndicales qui avaient pour rôle d'arrêter la grève. Et comme dirait à l'époque, la grève tue la France, ou je ne sais plus trop quoi, c'était les formules. Et à un moment donné, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu tout un mouvement en 1947. Et effectivement, même chose, c'était la grève, c'est l'arme des trusts. Et ça, c'était en 1947, c'était, je crois, Thorez, ou, etc. Parce que, voilà, c'est ça le rôle des directions syndicales. Maintenant, effectivement, la CGT est très attaquée. Parce que je pense qu'il y a un pôle aujourd'hui dans l'industrie ailleurs où les gens de la CGT, entre guillemets, c'est pas la CGT en tant que direction, mais des salariés qui veulent se battre. Et donc ils cartonnent ce syndicat, mais c'est surtout cartonner les salariés et le pôle, entre guillemets, pseudo-radical. Quoi. Et c'est une réalité. Voilà, c'est... une grève, ça se planifie pas, ça se fait et ça explose ou pas. Mmh. Et on l'a vu il y a un an, qui aurait pu penser que ça aurait plus ou moins duré avec plein de choses comme ça. Et c'est assez complexe. C'est, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ne rien faire, c'est, on sait qu'il y a le plan sur le pôle emploi et les chômeurs, les attaques qui vont avoir lieu, la retraite, etc. C'est-à-dire que la sécurité sociale, sur un an, le mec, il a le programme de François Fillon. Voilà, il faut le dire les choses. Et François Fillon avait dit très clairement, avant que Macron reprenne pratiquement mot par mot le programme de Fillon, c'est il faut un bill script. C'était ça son discours dans un hôtel, et c'est ce que nous assistons. Un bill script, c'est-à-dire en 5 mois, on casse tout. Et tout est programmé. La meilleure chose, c'est que même le Parlement, qui est quelque chose qui a un endroit croupion, où l'écrasante majorité des gens sont pour Macron, n'ont aucun droit de décider. On débat plus, c'est les ordonnances. Le gouvernement applique. Et je pense que la difficulté peut-être pour les salariés, c'est de lutter quand la loi est votée en 5 minutes. Et toute la stratégie, c'est la vitesse. Et anticiper les mouvements sociaux et de dire de manière, voilà, le plan de licenciement, il est voté, truc, vous n'avez même plus le temps de réfléchir, c'est en 3 jours. Et c'est, on a un président Facebook, quoi, c'est on clique, tac, et c'est terminé, ouais, votre vie, voilà. Et c'est ça aussi peut-être la difficulté. Mais au-delà de tout ça, c'est un précédent aussi. Il n'y a pas que la Catalogne où c'est quasiment un précédent sauf pour 34, c'est aussi en France. Parce que là, on a, dans le cadre de nos institutions, entre guillemets, françaises, on a quand même un président qui est légitime, puisqu'il est élu par moins de 30% des votants, qui s'efforce à appliquer des lois et des mesures à coup de 49-3. Et du coup, au bout d'un moment, ça risque de créer quand même un problème dans la société et une illégitimité qui pourrait être mise de plus en plus en exergue par des opposants ou par l'opposition. Je ne sais pas. C'est quand même un quinquennat assez bizarre. Tu me dis quelque chose, Raphaël ? Parce qu'en fait, tu me fais des signes. Bon, je rappelle, on est en direct. Voilà, du coup, ça. Là, si j'ai commencé à bafouiller, c'est parce que Raphaël me fait des signes que je ne comprends pas. Mm-hmm. Du coup, il nous reste très peu de temps et apparemment, il y a d'autres messages à passer. Bah, c'est, ce qu'on fera, c'est qu'on reviendra la semaine prochaine sur ça, le code du travail, etc. Voilà. Et juste, il y a un petit texte qui a été écrit. C'est « Veut-on la mort de notre radio ?» De notre radio, c'est FPP. C'est ça, voilà. Tu veux le lire, Mouloud ? Moi, je ne peux pas le lire parce que j'ai au niveau de mes yeux. Ok, bah, je vais vous le lire. Voilà. Si les auditeurs ne s'endormiront pas à ma lecture. Bon, nous avons un nouveau député dans le 19e arrondissement. Notre radio, elle est située dans le 19e, au 1 rue de la Solidarité. Enfin, deux. À peine élu, Mounir Majdoubi a repris sa place au gouvernement comme secrétaire d'État et Delphine Haut lui a succédé à l'Assemblée nationale. Le premier résultat de l'élection de ce binôme va se traduire par un plan social d'ampleur dans le 19e arrondissement. En mettant fin aux emplois aidés, le gouvernement condamne au chômage d'un trait de plume plus de 100 000 personnes en France et plusieurs centaines rien que dans l'est de Paris. Jugés coûteux et inutiles, ces emplois ne seraient donc pas prolongés. Ils prendront fin dans les mois à venir, faute de renouvellement. Inutile. Les éducateurs de la rue, inutile. Les associations de soutien scolaire, inutile. La distribution de colis alimentaires pour les plus démunis, inutile. Inutile, une radio associative qui, depuis 25 ans, donne la parole aux communautés étrangères présentes à Paris, qui accueille chaque nuit les musiques que l'on entend nulle part ailleurs, ou qui accueille des émissions à contenu politique et autres. Inutile, estime ce gouvernement peut-être, ou est-ce que c'est nous qui estimons que c'est inutile ? Si le gouvernement et l'Assemblée, qui là, à sa botte, sont aussi soucieux de faire des décennies, des économies, excusez-moi, pourquoi ont-ils commencé par faire de gros cadeaux aux plus riches et aux entreprises ? Nous, on trouve réellement ça coûteux et inutile. Était-ce vraiment la peine de se faire élire si les premiers résultats sont aussi catastrophiques pour les habitants de notre arrondissement et plus largement pour l'ensemble du secteur associatif ? Bref, c'était un communiqué de FPP. Alors, le truc, c'est que le 15 décembre, bah, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a 5 à 6 salariés qui sont en emploi aidé. Donc ils vont être, dans les faits, au fur et à mesure, éliminés. Et ça pose la question de l'existence de la radio, tout simplement, parce qu'on a, on ne peut pas que être bénévole. Donc le 15 décembre, il y a à La Parole Errante, concert, débat, dès 18h, c'est métro, je crois, Croix de Chaveau, voilà. Il y aura un débat et des concerts sur cette actualité et sur le fait que l'ensemble des radios militantes, bénévoles sont concernées. C'est l'existence de tout un pan de radios associatives et plus largement des associations, des petites associations qui risquent d'être éliminées puisqu'ils n'auront plus de salariés. Et aussi, c'est des gens qui vont se retrouver au chômage et plus ou moins à la rue. Et donc ça, c'est le programme concret de Macron, c'est d'écraser, en fin de compte, le droit à la différence, le droit à créer des choses. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et ça va être, c'est très rapide. Donc c'est pour ça qu'aussi on fait ce truc-là. Et c'est, je crois, que pour les plus de 20 ans, 25 ans, ou une chose comme ça. J'ai dû me planter en termes de date, mais c'est pas grave. Et on termine cette émission. Et on remercie tout le monde qui était là. Merci à tous. Voilà. Et on s'excuse pour Anaïs pour ne pas avoir fait un peu la chronique, etc., qu'elle avait dû faire. Et on se revoit donc mardi prochain sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Bonne soirée à tous. Au revoir. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Et donc, comme on vous le disait, voilà, la radio est menacée aussi par la suppression des contrats aidés. Du coup, on avait un petit jingle qui a été fait par les permanents, justement, par les gens qui travaillent en contrat aidé à la radio. On va vous le passer tout de suite. Et juste après, ce sera l'émission d'Ubout. Vous êtes sur FPP 106.3 FM. Gardez l'écoute. FPP et ses salariés en CUI sont en lutte contre le gel des